France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 148. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête, et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 1er février 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es totalement apaisé par l'optimisme légendaire du premier magistrat de Pharaon. Monsieur Fillon, vous avez déclaré que la situation était grave. Non, j'ai eu tort. Ah bon? Oui, elle est catastrophique. D'abord le vent, maintenant l'eau qui monte. La suite, on la connaît, les criquets qui mangent les récoltes, l'eau des fleuves qui se change en sang. Non mais de quoi vous parlez? On est maudits, c'est les sept plaies de l'Égypte. On va tous mourir. Oui, bon bah pas tout de suite. Eh oui, tu l'as bien compris l'ami, ce matin tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, invariablement, nous commencerons par notre espiègle office laïque et freudien, durant lequel aujourd'hui nous croiserons crescendo un léger coup de vent place Vendôme, une vulgaire bourrasque anti-gréviste et une grosse tempête sociale. Dans la foulée, justement, face au vent de révolte, nous te dévoilerons comment Nicolas et Carla ont vécu la tornade gréviste de jeudi dernier, retranchés l'un et l'autre au palais de l'Élysée. Ensuite, figure-toi qu'à l'occasion du Nouvel An chinois, nos joyeuses voix de Lina ont vu débouler mardi dernier un curieux visiteur. Une rencontre non officielle que nous te dévoilerons avec délectation. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous te raconterons comment Jean-Claude s'est proposé jeudi dernier de devenir la nounou des mômes du quartier, le temps que Monique et leurs voisins puissent aller manifester. Et puis, toujours dans le même registre, notre facétieux reporter est allé tendre son micro avant-hier à un cheminot parisien du RER, sans doute une grosse feignasse, selon notre truculent ministre Éric Woerth. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et revend des globes, ça encombre. I'm not afraid to can't get you out of my head. Traduction impossible de te chasser de ma tête. C'est ce que constate ici Kylie Minogue, soutenue par le sublime New Order. Mais c'est aussi l'obsession désormais de Nicolas Sarkozy et François Fillon devant la forte mobilisation sociale. Vous savez que ça va très mal. Ah oui ? Oh oui, ça ne va pas bien. Non. Ça pourrait même devenir catastrophique. Ça, il faut absolument trouver une solution. Bon, on peut toujours rêver. Et en attendant que Tom et Jerry trouvent une solution à la crise, eh bien, le mieux, me semble-t-il, à 11h11, c'est de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes aventures de ce 148e épisode du Mangin Palace, où nous allons assaisonner pour toi et à notre sauce les actualités de ces derniers jours. Évidemment, comme l'exige la tradition, débutons par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous persévérons plus que jamais dans nos tentatives de dénicher l'inconscient du discours politico-médiatique du moment. Ainsi, découvrons au crescendo ce matin un léger coup de vent en place Vendôme, une vulgaire bourrasque anti-gréviste et une grosse tempête sociale. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Plusieurs journaux ce matin, Frédéric, reviennent sur le prochain départ de Rachida Dati. Ouais, excellent. C'est le cas notamment du Canard Enchaîné qui nous raconte l'entretien. Sachant qu'elle n'appellerait jamais, je décidais de prendre les choses en main. Selon le récit qu'il en a fait à ses collaborateurs, Nicolas Sarkozy commence en douceur. Je vais être honnête. Dans notre relation, le problème ne vient pas de moi, mais de toi. C'est toi qui cloche à tous les niveaux. Si j'ai bien compris, je n'ai pas le choix. Répond alors Rachida Dati, les larmes aux yeux. Lâche-moi, tu veux bien ? Si tu veux rester mon ami, tu n'as pas le choix, rétorque Sarkozy. Et voilà le travail, encore un truc de moins sur ma liste. Notre invité ce soir est Harlem Désir. Comment ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que t'étais parti pour Amsterdam. Député socialiste européen. Et il sait faire d'autres trucs à part rester sans bouger. Vous êtes trop... Vous voulez voir ce qu'il sait faire ? Oui. Cela dit, nous serons dans la rue pour dire non seulement au Parlement, mais aussi avec les salariés, avec les citoyens, qu'il n'est pas possible que le pouvoir continue aveuglément sur sa politique. Eh bien, ça m'impressionne. Wow. Nicolas Sarkozy s'est fait élire sur des slogans, des choix politiques et économiques qui s'avèrent totalement inconsistants au regard de la situation. Je crois que ça va durer. 8h20, l'invité de France Inter est ce matin le ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique. Bonjour Éric Woerth. On donne pas d'argent, on déteste faire la charité, on n'achète pas de billets de tombola, bonsoir. Est-ce que vous êtes toujours sceptique sur l'opportunité de la grève de jeudi ? Je trouve qu'il y a d'autres moyens que cela, plus adaptés. On ferait mieux de se serrer un peu les coudes. Qu'est-ce qu'il dit ? Groupir, ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble, groupir. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous rassemble d'abord, c'est la France, l'avenir de nos enfants, enfin c'est tout cela. Je pense et en même temps, bloquer un pays... Certaines personnes qui manifesteront jeudi peuvent dire la même chose, non, hein, je suis inquiet pour mon pays oui, et inquiet pour mes enfants. Mais alors qui se démène quoi, qui bouge, qui ne le fasse pas nécessairement uniquement Grévis en défilant... Grévis égale feignant. Vite, apportez un son, je vais dégueuler. Ou en râlant, non, Grévis mais qui se bouge, Eric, qui devienne un acteur de la sortie de crise. Et devenir un acteur de la sortie de crise, c'est quand même surmonter un tout petit peu les manches. Si tu vomis, vomis là-dedans. Mais alors et vous ? Ça va, la pêche. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui ? Nous ont donc rejoint Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT chez PSA. C'est vrai qu'on commence effectivement à beaucoup en entendre parler. D'accord, il y a de l'inquiétude, de l'angoisse, mais il y a surtout de la colère. La colère par rapport à toute cette situation où les patrons n'arrêtent pas de nous faire payer la crise, de vouloir nous faire payer la crise. Il n'y a pas que les patrons, le gouvernement aussi. Non, mais il faut prendre l'habitude, c'est tout. Et puis après, il y a toutes les suppressions de postes qu'on a subies depuis des années et des années chez PSA. Voilà, en l'espace de quelques années, c'est 10 000 suppressions de postes et il n'y avait pas la crise. On ne parlait pas de crise à l'époque. C'est l'équivalent chaque année d'une usine comme Aulnay qui disparaît, qui est rayée de la carte. En France. Je sais pas vous, mais j'ai une patate, moi, ce matin. Il va y avoir de la danse, j'aime autant vous le dire. Eh oui, jeudi dernier, il y avait à peu près 2 millions de joyeux danseurs dans les rues de France et de Navarre. Grévistes inquiets, bien sûr, mais tous très déterminés. Alors, découvrons ce matin comment ont vécu cette folle journée nos radieux locataires de l'Élysée. Eh bien, mercredi soir, jour de son anniversaire, avant le dîner de fête que lui avait organisé Carla, Nicolas Sarkozy a maté les actualités télévisées et il a bien compris que la mobilisation sociale du lendemain serait sans doute puissante et pour cause. Bonsoir. Quelques nouvelles en bref. Aujourd'hui, deux usines ont dû fermer leurs portes tout près de Valenciennes. On vient de m'apprendre qu'il s'agit de trois usines. Par contre, à Roubaix, bonne nouvelle, puisque l'ancienne usine de textile désaffectée a été réaménagée pour servir de succursale à la NPE, jugée jusqu'à présent trop étroite. Loisirs, après Disneyland, les Schtroumpfs, le parc Astérix, c'est Victor Hugo qui est à l'honneur dans notre région, puisque bientôt va se créer le parc d'attractions Cosette. Il s'agit de quatre usines. En effet, la spirale est infernale. Et en début de semaine, le très sérieux Bureau international du travail a estimé que la crise pourrait mettre au chômage jusqu'à 51 millions de personnes à travers le monde. C'est à peine imaginable. Résultat, l'entourage présidentiel de Nicolas Sarkozy était très inquiet mercredi soir quant à la journée de grève prévue pour le lendemain. C'est ainsi que Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, convoqua l'ensemble de son cabinet pour faire le point sur la conduite à suivre devant la tempête sociale annoncée. On aura des vagues de 15 mètres, facile. Des vents de 8 à 9, ça va pas être beau. Et c'est droit devant nous. Oh, c'est la météo qui chauffe le dard. Non. Ça te fait peur? Jamais je t'ai vu avoir peur. Ce sera pas évident à négocier, en tout cas. Alors, ou on reste ici 2-3 jours, le temps que la tempête retombe... Commandant, on va faire quoi? Laisser pourrir et filer ça aux mouettes? Ouais, je croyais qu'on allait casser la baraque, pulvériser le record. Ou on dit « et merde » et puis on fonce dans le tas. Oui, on dit « merde » et on fonce dans le tas. C'est ça la définition du dialogue social selon l'équipe gouvernementale. Toujours est-il que jeudi matin, aux aurores, l'ensemble des conseillers présidentiels s'étaient réunis pour faire face à ce conflit. Seulement voilà, devant la grosse tempête sociale qui s'annonçait, l'angoisse était plus que palpable au sein des troupes élyséennes. C'est alors qu'à 7h30 pétante, Nicolas Sarkozy est arrivé, très détendu, car encore une fois, super président avait tout prévu. Salut les kids! Dans notre contexte géopolitique actuel de multipolarisation des puissances, tout le monde sait qu'un conflit peut éclater à n'importe quel moment. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place dans mon jardin un dispositif de survie pour être prêt à faire face à un conflit d'envergure internationale. Ça, c'est les petits bois pour faire du feu l'hiver. Là, c'est les chocs à pic pour les petits déjeuners des gosses. Devant vous, des kilomètres de grillage électrifié pour bien délimiter le jardin. J'ai aussi prévu 2 ans de réserve de farine sans grumeaux pour ma femme. Elle adore faire des quiches à la tomate et aux petits lardons. Là-bas, c'est la niche du chien. Elle est entièrement climatisée. Et s'il veut se promener, il peut compter sur 8 km de l'Est. Et puis parce que j'adore le ribasmati, j'en ai acheté 8 tonnes, avec des seaux pour en bouffer des pleines plâtrées. De plus, parce qu'il y aura des secousses sismiques, j'ai prévu toute une réserve de verre en pyrex pour boire de l'eau décontaminée en toute tranquillité. Par contre, pour les matchs de foot à la télé, j'ai stocké 35 000 canettes de bière sans alcool. Et puis parce qu'on peut jamais compter à 100% sur sa bagnole, j'en ai commandé 12, au cas où je me ferais piquer mon autoradio. Bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec mon psy. Ouais, il est chiant, en ce moment, il veut boire toutes les bières. Allez, au boulot, bande de feignasses, on sera jamais prêt à temps. Il est trop fort, ce Sarkozy. Ainsi, sa bande de feignasses avait immédiatement retrouvé la patate, à tel point qu'il se sentait à présent invincible devant l'assaut des grévistes. Du coup, la matinée fut très sereine. Mais à l'heure du déjeuner, l'atmosphère a brusquement changé au palais de l'Élysée. Alors qu'ils dégustaient paisiblement une quiche aux tomates et aux petits lardons, Nicolas et Carla ont eu une drôle d'impression. On est donc caille ici. Oui, tout à l'heure il faisait frisquet, mais maintenant il fait beau. La chaudière marque 22, mais c'est comme s'il faisait zéro. Tu veux que je te dise? J'ai l'impression qu'on a un courant d'air qui vient de la cave. Ça passe sous la porte. En principe, il y avait une bonne isolation. Toutes ces dépenses vont nous saigner à mort. Oui. Désormais, sous la porte de l'Élysée, passait un vent frais, celui de la révolte. Car en début d'après-midi, il était évident que la grève allait être un énorme succès pour les syndicats. Immédiatement, Nicolas Sarkozy fit venir auprès de lui Claude Guéant, afin qu'il lui dresse un bilan précis de la situation. et sur la base des infos qu'il tenait des renseignements généraux, Claude Guéant tenta de résumer à sa manière l'ambiance des différentes manifestations. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Blam, la la la la la la la. Repense à toutes ces années de service. Blam, la la la la la la la. Antisocial, bientôt les années de service. Blam, la la la la la la. Enfin le temps perdu qu'on le rattrape plus. Oh là, Nicolas Sarkozy fut doublement inquiet. Primo, Claude Guéant semblait tout de même partir grave en sucette, hein. Et surtout, secondo, la grogne sociale semblait cette fois-ci sévère. D'ailleurs, au cœur de l'après-midi, au plus fort des manifestations, retranchés derrière les enceintes de l'Élysée, Claude Guéant et le couple Sarkozy commencèrent à entendre au loin les revendications légitimes des protestataires. Carla et Nicolas étaient même persuadés de les entendre au coin de la rue. Ils sont encore là. Mais ils nous cherchent. Ils savent qu'on est ici. Non, c'est par habitude. Sans savoir au juste pourquoi. Dans leur vie passée, ils venaient ici, ils s'en souviennent vaguement. Mais qui sont-ils ? Ils sont nous, c'est tout. L'enfer n'a plus assez de place. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, c'est mon grand-père qui nous racontait ça. Il nous disait toujours, quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. Oui, bon, pour Claude Guéant, les manifestants sont des morts vivants qui arrivent tout droit de l'enfer. Cela dit, en fin d'après-midi, devant le nombre impressionnant de grévistes, il y eut un conseil d'urgence à l'Élysée afin d'établir la réponse la plus appropriée à une telle démonstration de force. Car c'est vrai que le message du mouvement social a été très clair. Attends voir un peu qu'on se dresse tous sur nos mille pattes arrière et qu'on aille de l'avant. On fera pas semblant. Attends voir un peu pour voir qu'on se lève de nos chaises trop étroites pour te montrer nos vies qui boitent, te montrer nos rêves qui crèvent. Chaos social, prends bien garde aux fringales de tous ceux qui ont mal partout, l'humeur noire en pagaille. Chaos social, ok pour la bagarre, dis, c'est quand que ça démarre, on tourne en rond dans notre bocal. Résultat, la réponse aux grévistes de Nicolas Sarkozy jeudi soir fut la suivante. Petit 1, je comprends l'inquiétude des Français. Bon, ok. Petit 2, je vais recevoir les partenaires sociaux en février, ce qui était déjà prévu depuis longtemps. Et enfin, petit 3, je vais sans doute intervenir à la télévision dans les jours qui viennent afin d'exposer mes réformes à venir. D'ailleurs, pour finir, figure-toi que M. Sarkozy a passé tout son week-end avec Nonce Paolini, le patron de TF1, afin de préparer au mieux cette intervention télévisée. Ok, Président, on va y aller, vous êtes prêts ? Attention ! Pardon. Président, les Français vous écoutent, c'est parti pour votre message personnel. Comme vous voulez. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Peut-être un peu direct, Président, ça manque un peu de subtilité tout ça. Asseyez-vous dans la voiture, vous serez mieux, vous serez plus à l'aise. Dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous l'appréciez énormément. Désormais, on peut dire que le problème de la France, c'était qu'on ne travaillait pas assez, alors que le monde ne nous attend pas. Oui, mais on n'y croit pas, malheureusement, Président. Le geste du doigt, c'est bien, mais il faut être plus convaincant, plus sincère. Hein. D'accord. Détendez-vous, soufflez un peu, là. Voilà. Allez, plus personnel, plus intime. Bah, descends, on peut le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant, eh ben, permets-moi de te dire. Viens. Pas mal. Into the freak show. Oh, oh, oh. Something Wicked This Way Comes, c'est Hugh Coltman qui nous prévient que quelque chose de vilain vient de par là. Et pour un bon gars comme ce cher, très cher Bernard Kouchner, c'est par le Gabon que vient quelque chose de très vilain. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, après avoir vu comment l'ouragan Nicolas a vécu la tempête sociale qu'il a lui-même déclenchée, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h27 sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu l'as bien repéré, cette semaine nous sommes entrés dans l'année du bœuf, selon le calendrier chinois. Et, tu le sais aussi, les relations sino-françaises ne sont pas bonnes, sinon mauvaises, depuis que notre président a serré la paluche de l'homme en pyjama orange. Mais faisant fi des atermoiements diplomatiques, lundi dernier, les voix des fantômes de l'INA ont fêté à leur manière le nouvel an chinois. Alors écoutons avec attention le récit au saté que nous a concocté aux petits oignons notre Bernard l'ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, le président est venu à l'INA. Comme la fête prévue mardi à l'Élysée avait été annulée, Nicolas Sarkozy est venu fêter discrètement à l'INA le nouvel an chinois. Et il a très bien parlé. Une journée pour nous comme les autres, marquée de ces événements graves ou légers, personnels ou collectifs, qui tissent la trame serrée de la vie. Mais à des milliers de kilomètres d'ici, en Chine, c'est le jour du nouvel an chinois. C'est cette halte que s'accordent les hommes partout dans le monde pour déposer un instant le fardeau quotidien et mettre un peu plus de chaleur dans leur poignée de main. Mais comme 2009, c'est l'année du bœuf, notre président, tel Zeus à la conquête de l'Europe, s'est déguisé en bovidé. Me voilà bœuf. Des cornes m'ont poussé, puis une queue. Je repose à terre par quatre pattes. Et je vous prie de croire qu'il y a dans cette poitrine une force à tirer une charrue. À ce moment-là, Michel Pastoureau, un grand spécialiste des animaux, a dû lui expliquer que l'image du bœuf ne convenait peut-être pas à un chef d'État. Et puis ce qui se passe, non pas à la Renaissance, mais un peu plus récemment, c'est parfois une certaine dévalorisation du bœuf présenté comme un animal tellement paisible et pacifique qu'il en devient stupide, d'où l'utilisation en français moderne de l'adjectif bovin pour qualifier quelqu'un qui n'a pas de caractère, quelqu'un qui est apathique, quelqu'un qui se laisse faire. Immédiatement, les conseillers de l'Élysée ont réagi en substituant au bœuf le buffle. Imaginez un taureau d'une tonne, 1m60 à l'épaule, tout poilu, avec des cornes, mais inimaginables, près d'1m50 d'envergure, bellement recourbé au bout, épaisse à ne pas croire, et se rejoignant au milieu du front, vous savez, comme les bandeaux des coiffures des femmes d'autrefois. T'es méchant avec ça. Sur ce, un astrologue proche de l'Élysée s'est empressé de dresser les nouvelles prévisions pour l'année 2009. Alors l'année du buffle va correspondre à quoi ? Le buffle est le symbole de l'agriculture, de la force, du travail. C'est une année axée principalement sur le travail et pas le loisir. Et ça peut être une année aussi d'une montée, d'une dictature, parce que le buffle est un animal autoritaire, très étroit d'esprit. Mais soudain, l'astrologue a été interrompu par la voix de la rue. Mais il y a encore ce soir un autre conflit du beefsteak. Il vient en effet de rebondir. Cet après-midi, les bouchers s'étaient réunis à la mutualité et ils ont décidé de poursuivre la grève des achats de bœuf. Oui, à la continuation du non-achat de bœuf. C'est autrement dit pour la grève. Vous venez de décider la continuation de la grève. Oui. Et malgré la grève, Nicolas Sarkozy n'a pas renoncé au fou de la soirée. Un concert de bœuf d'Adi, le premier steak bling-bling. Du rhum steak, du filet, de la viande hachée. Passe-moi bébé, sur le barbecue, ça va chauffer. Je vais tout donner, tes invités, ils vont kiffer. Je suis bœuf d'Adi, le roi des steaks. Ah oui ! Le naturel est garanti. Le bio, c'est mon esprit. Le naturel est garanti. Le bio, c'est mon esprit. Quelle que soit la sauce, Roquefort ou Béarnaise, j'apporte la cuisson avec le bio, t'es à ton aise. La sauce, Roquefort ou Béarnaise, j'apporte la cuisson avec le bio, t'es à ton aise. Il ne semble pas manquer de bœuf. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour avoir cuit à point cette exploration poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Mais bon, après ces morceaux de choix du boucher, il est temps de bouger puisqu'il est l'heure de déboucher une bonne bouteille pour fêter la venue de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h33, rejoignons immédiatement notre fantasque village fleuri où nous attendent le graveleux Jean-Claude et la gréviste Monique qui ont vécu cette semaine un jeudi blanc. Oui, jeudi blanc car il y en a marre que l'on parle toujours de jeudi noir pour qualifier un mouvement d'action sociale. D'ailleurs, à Gros Boule les Bains, les journées de manifestation sont toujours l'occasion de petits gestes de solidarité entre voisins puisque l'on s'organise, c'est plus simple. Ainsi, jeudi dernier, c'est Jean-Claude qui a été désigné pour garder les mômes du quartier afin que leurs parents puissent aller tranquillement manifester. Bon, c'est vrai, quand les voisins ont débarqué pour lui demander ce service, Jean-Claude a bien essayé de s'esquiver en disant qu'il ne savait pas comment s'y prendre. L'école, j'ai pas connu. Mon père vivait de la Chine. Pas de la Chine des Chinois, mais de la Chine des Chineurs. À 12 ans, j'embarquais mes toutes petites copines sur le marché aux puces qu'on connaissait par cœur. Dans nos poches, il n'y avait rien, mais dans les poches du monde, il y avait de quoi s'offrir des sandwichs au pâté. Je sais très bien pourquoi ça s'appelle des profondes. Mais pour piger tout ça, il faut y avoir été. L'école, j'ai pas connu. Bon vieux, dans la ferraille, il a jamais compris que ça pouvait servir. À table, ça jactait que perlouse et joncaille des machins, finalement, qu'on n'a jamais vu venir. À l'inverse, le Jean-Claude, on le voit venir. Il cherche une excuse pour ne pas garder les mômes du quartier pendant la journée de grève. Mais devant l'insistance des voisins et surtout face aux pressions de Monique, Jean-Claude finit par céder. Ok, c'est bon, il va les garder tous ces mioches. Mais tout de même un peu inquiet, Jean-Claude profite de la présence d'un voisin enseignant pour lui demander s'il y a des astuces pour reconnaître ceux qui vont foutre le bordel. Évidemment, répond le voisin prof. Tiens, par exemple, cette année, lors de la rentrée, il a tout de suite percuté. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer. T'es 35 élèves cette année. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bent et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet que c'était pas mal d'être avocat. Si jamais t'allais en prison, ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même client, me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi. Tu parles d'une consolation quand les conditions de travail se dégradent entre suppression de postes et réformes globalement rejetées par les profs et les élèves. Mais c'est ainsi que Jean-Claude s'est retrouvé jeudi dernier face à une petite bande de gamins. Alors que faire ? Eh bien Jean-Claude se met directement au boulot, mais c'est sûr, il a quelque peu oublié le niveau d'un élève du secondaire. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16, répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. Et 8 font 16, mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, l'oiseau. Jean-Claude est fasciné par la capacité d'imagination de ces charmants bambins. C'est merveilleux, un enfant. Enfin, tout au moins, jusqu'à l'heure du repas. Qu'est-ce que t'as fait, toi ? Tu crois que je t'ai pas vu ? Ah, c'est papa ? Tu crois que c'est moi, peut-être, qui a lancé de la purée, là ? Hein ? Je t'ai vu le faire à l'instant. C'est moi qui commençais. Bon, tu mets tes mains sur ta tête, tu vas au coin. Allez, hop ! Au lieu de manger, tu vas au coin. Voilà. T'es content comme ça ? Ça te plaît, ça ? Je le dirai à mon père. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute que tu dis à ton père ? Qui c'est ton père d'abord ? Mon père, c'est le maire, vous allez voir. C'est le maire ? Bon, allez, va t'asseoir, va manger. Jean-Claude a donc repéré celui qui foutait le boxon. Un meneur, le fils du maire en plus. On se croirait à Neuilly, dis donc, ça promet. C'est alors que Jean-Claude, épuisé par son rôle de conseiller principal d'éducation, commet l'erreur fatale de quitter pendant quelques secondes tous ses chérubins. Bon, c'était juste pour aller se chercher une bière dans la cuisine, hein. Et quand Jean-Claude revient, c'est à nouveau le drame. Son caleçon a été trempé dans la viande. C'est une honte, vaut rien. Et ça va coûter à tout le monde un mois d'argent de poche. Vous voulez en être privé pour deux mois ? Son caleçon dans la pâté pour chien. C'est fou, où est-ce qu'ils vont chercher des idées pareilles ? Si je pouvais juste utiliser cette ingéniosité et la canaliser dans quelque chose de constructif. Oui, comme trouver quelqu'un pour t'aider pendant mon absence. J'arriverai à tout gérer, même sans la meilleure moitié de l'équipe de surveillance. Eh oui, Monique, qui n'est pas encore partie manifester, est la meilleure moitié de l'équipe de surveillance. Alors, avant d'enfiler ses baskets et de couvrir son manteau d'autocollant Rêve Général, Monique donne à Jean-Claude quelques petits conseils face à cette rapine de pâté pour chien dans le but infâme de souiller un caleçon. Et Monique en profite même pour faire une démonstration. On ne veut pas que tu nous battes. Non, pas de fessée, on serait gentil. Trop tard. Vous avez volé quelque chose et ensuite vous avez menti. L'heure est venue de choisir votre supplice. Ceinture, pas mal, non ? C'est un classique. Dans ce cas, on pourrait utiliser la baguette en noyer. Ça fait cliché, d'accord, mais c'est hyper efficace. Je sais où ce sera la spatule. Les trous réduisent la résistance du vent, ce qui augmente la vitesse. Non, arrêtez, les garçons, arrêtez. Je n'ai pas le choix, c'est la règle. Les voleurs reçoivent une fessée. C'est comme ça. Enfin, sauf... Sauf quoi ? Étant donné qu'il s'agit d'un premier délit, si vous jurez solennellement de ne plus jamais, jamais voler quoi que ce soit, j'oublie la fessée. Oui, oui, d'accord, j'ai compris, j'ai juré. Ok, ça roule. Pourquoi tu souris maintenant ? Guerre psychologique, tu as une idée de ce que ça veut dire ? Non. Dans ce cas, tant pis pour toi. Bien. Jean-Claude comprend soudain que son salut contre le turbulent adolescent, le fils du maire, passe par la guerre psychologique. D'ailleurs, Jean-Claude se souvient que lui-même, quand il était gamin, il a subi une guerre psychologique efficace lancée par sa maîtresse d'école. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin. Enfin bref, un patin. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Et soudain, le souvenir de sa bonne fée fait comprendre à Jean-Claude de quelle manière il peut mater le turbulent adolescent et remettre le fils du maire dans le droit chemin. Ce môme doit canaliser sa surexcitation pour laquelle Jean-Claude ne voit qu'une seule explication, et c'est d'ailleurs le sujet de la dernière leçon. Écoute-moi attentivement, je vais aller droit à la bite. Ton petit corps change et crois-moi, c'est tout bon. Bon, alors, si tu t'astiques le pommeau sous la douche, là, t'auras plus besoin d'utiliser de gants à gicler. Sauf que les journées sont longues et la branlette, c'est chouette. Donc, à moins de vouloir se doucher 4 ou 5 fois par jour, il faut trouver d'autres solutions. Ce qui m'amène aux fondamentaux. Les mouchoirs. C'est parfois un peu rugueux sur les peaux très sensibles et sans compter que ça peut coller aux glands comme un pansement. Aïe. Par conséquent, je te propose d'étudier des poches à semoule qui glissent mieux et notamment la banane. 1. On épluche la banane. 2. Avec la peau, on recouvre la colonne en rut. Et c'est parti. Petit plus, passe la peau de banane au micro-ondes. Pas trop longtemps. C'est top. Sinon, l'huile d'olive, la crème hydratante, le miel, la bave, le beurre, le démêlant et la vaseline font d'excellents lubrifiants. Mais si tu veux mon avis, pour lubrifier, il n'y a que le produit. Alors casse ta tirelire et investis dans du vrai lubrifiant. Sache qu'il est impossible de trop briquer le sceptre royal de l'amour charnel. C'est bon pour le stress et ça stimule le système immunitaire. Pour finir, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, alors entraîne-toi à bien maîtriser tes solos, ça te réservera un long et bel avenir de duo flamboyant. Très bien, le cours est fini. Hé ! Tes devoirs. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h42, après ces étranges recommandations du Jean-Claude, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin à une catégorie de travailleurs que certains de nos concitoyens considèrent encore comme de gros privilégiés. Ainsi, avant-hier, le lendemain de la grève, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est allé à la rencontre d'un cheminot parisien du RER afin de savoir si oui ou non, bon sang, ce métier est réellement une place de planqué qui plus est vouée à emmerder systématiquement les voyageurs. C'est un discours assez répandu, n'est-ce pas ? Notamment dans certains médias, vers 13h par exemple. Alors, juste après la virgule, découvrons si le conducteur de grosses locomotives mérite autant cette sale réputation d'emmerdeur. Le cheminot est-il nanti et doit-il être vilipendé ? Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune ? Tu l'as constaté, l'ami, jeudi, la France était en grève. Le RER parisien n'échappait pas à la règle. Du coup, rencontre avec un homme qui conduit le RER A depuis plus de 20 ans. Je voudrais faire croire qu'on fait ce travail, qu'on est en grève tous les mois. Non, on n'est pas en grève tous les mois et quand on est en grève, c'est pour des motifs bien précis. Et ces motifs-là nous concernent, mais concernent aussi les voyageurs. Quand on fait grève, quand on parle de sécurité ferroviaire, nous on conduit le train, les voyageurs sont derrière, donc on est tous concernés par la sécurité ferroviaire. Et aujourd'hui, l'entreprise ne mesure pas toujours... son approche de politique par rapport à ça n'est pas une approche de la sécurité ferroviaire. Vous savez que quand j'étais jeune, j'étais à Sudrail. Quoi ? Quand j'étais jeune, j'étais syndiqué à Sudrail Neuilly. Vous pouvez pas imaginer le nombre de RERB qu'on a bloqué avec les copains grévistes de Sudrail. Ce Sarkozy, il n'y a pas de RER à Neuilly. Ah non, j'ai abandonné le projet. On a gagné notre combat avec les potes de Sudrail. Oh, c'était la belle époque, hein. On lâchait rien. Ah bon, on est stigmatisé aujourd'hui par la population, par les usagers, par le pouvoir politique, sur les problèmes de transport, la ligne A, puisqu'aujourd'hui, effectivement, l'emploi se trouve à l'ouest, à la Défense, et beaucoup de la principale, enfin les gens habitent principalement dans la banlieue est, et donc le temps de trajet qui devrait s'effectuer en 40 minutes, la plupart du temps, avoisine l'heure de trajet. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez une telle méfiance vis-à-vis des médias ? On n'est pas des nantis comme on a voulu nous faire croire. On a un métier difficile et qui est de plus en plus difficile parce que justement toutes les lignes du RER sont saturées et au quotidien c'est très compliqué pour nous. Et tout ça, notre métier tel qu'il est, tel qu'on le vit, les médias ne l'ont jamais décrit comme nous on le vit. C'est quoi la grève ? Vous êtes payé ? Bien sûr, on est payé, bien sûr que non. Non, qui pourrait croire qu'un dirigeant d'entreprise accepterait de payer un de ses salariés qui ne travaille pas ? Ça, c'est quelque chose qui a été ancré depuis des années dans la tête des gens. Effectivement, non, bien sûr que non, on n'est pas payé. Et puis, quel salarié accepterait d'être payé alors qu'il fait grève ? Faut avoir un petit peu d'amour propre aussi. On fait grève, on n'est pas payé, on l'assume. Mais si on fait grève, c'est par rapport à des idéologies, des choix. Bon, petit résumé. Primo, un gréviste, n'est jamais payé, il faut le répéter. Donc, il perd de l'argent et ce n'est pas un feignant. Et secondo, on peut être pour ou contre la grève. Mais avant tout, c'est une lutte idéologique donc passionnante, car elle est le sel et le fondement absolu d'une démocratie, à savoir la pluralité des opinions, à laquelle le Mangin Palace est très attaché. D'ailleurs, pour toutes celles et tous ceux qui s'inquiétaient ces derniers mois de l'inexistence d'une opposition politique, eh bien qu'ils se rassurent. Car ça y est, la bataille est lancée. Et crois-moi, la majorité parlementaire tremble. Madame Aubry, vous avez déposé une motion de censure pour sanctionner la politique du gouvernement. Oui, c'est le rôle de l'opposition d'alerter les Français sur la politique de Nicolas Sarkozy. Oh, pousse temps mort la tie-break. Moi aussi, j'étais de la motion de censure. C'est le PS plus 3. Oui, c'est vrai, monsieur Bayrou, vous aussi, vous l'avez voté, la censure. Ouais, et pas que moi, mon petit pote. Tout le Modem a voté la censure. Le Modem, c'est une vraie force d'opposition. Pareil que le PS. Ouais, enfin, le Parti Socialiste, c'est 204 députés. Il bloque l'Assemblée depuis 3 semaines. Il s'oppose radicalement. 204 députés ? Oh la vache ! Eh bien Martine, mais on va gagner, c'est sûr. Avec tes 204 d'un côté et mes 3 de l'autre, on encercle l'UMP et on les massacre. Tu peux compter sur le Modem, Martine. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Laïra, laïra, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Laïra, laïra, yeah. Merci patron. Travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Merci, patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Oui, c'est ça. Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir. Ah oui. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. À vous le plaisir de travailler pour nous. Vous serez heureux comme un fou. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Nous serons patrons. Ce que vous avez fait pour nous, nous le referons pour vous. Et il est plus petit que le jardin de ma tante. Oh, c'est pas vrai. Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois. Merci patron. Ce sont les charlots qui respectent à la lettre l'esprit du capitalisme, même si aujourd'hui la présidente du MEDEF aimerait bien que les grands patrons se fassent un peu plus discrets sur leurs revenus mirobolants et leurs parachutes dorés. Mais hélas pour Laurence Parisot, les grands patrons continuent leur petite pratique au grand jour. Putain. Je suis Peter Pan avec la bande des enfants perdus. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mange à Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, cette semaine, la presse souligne combien il est important de faire attention à notre environnement. Ah oui. Oui, justement, le Monde 2 de ce week-end consacre un très beau dossier à cette question. Je vous explique, l'affaire se passe en août 2008... Je vous restitue surtout le contexte. Allez-y, allez-y. On était en pleine crise géorgienne, vous vous souvenez ? Ah oui. Oui, hein, en Afghanistan, des soldats français se faisaient canarder. Et que nous raconte le Monde 2 ? Eh bien qu'au même moment, Nicolas Sarkozy, un gendre idéal, hein, est parti appuyer les demandes de sa belle-mère, Marisa Bruni-Tedeschi, pour installer le tout à l'égout. Très important. Oui, en août dernier, notre président a participé à 2 réunions de copropriétaires au Cap Nègre, donc sur la Côte d'Azur, dans le Lavandou, là où se trouve le château de sa belle doche. Mm-hmm. Alors là-bas, tout le monde a été abasourdi de le voir débarquer. Hein. Ah, t'imagines. Hein. Ah bah oui, certains ont même été un peu sceptiques qu'il s'intéresse autant aux fosses du même nom. Oui. Bon, alors attention, hein, Philippe, il n'est pas question ici de faire un procès à Nicolas Sarkozy. Comme quoi, il se serait occupé d'affaires futiles et privées au détriment de ses fonctions. Parce qu'à l'époque, on l'a tous vu, Nicolas s'est beaucoup agité autour de la Géorgie. D'ailleurs, il s'agit toujours beaucoup. Hein. Oui. Il s'est rendu à Kaboul le soir même de la réunion des copropriétaires. Bon, alors, il y a des rumeurs qui disent que c'était pour un siphon engorgé. Enfin, peu importe. Bon, en revanche, ce qui est étrange, c'est qu'à l'Élysée, tout ça n'est pas considéré comme un coup de pression. Ah, pas du tout. Non, tu parles comme ça. Le chef de l'État qui débarque, qui vient avec le préfet en plus, ça change quand même un peu la donne de la réunion des copropriétaires. Le préfet, il se tient à carreau maintenant, parce que si t'es préfet, il faut faire gaffe. Et oui, il faut faire attention. Alors, le préfet en question a déclaré, quand le président vous demande, il est rare qu'un préfet refuse. Et vous avez raison, Philippe, à Salon, on l'a bien vu. Quand les manants conspuent sa majesté, le préfet de la Manche, en l'occurrence, et le directeur départemental de la sécurité publique sont mutés à bon entendeur. Voilà. Alors, cette histoire de tout à l'égout qui intéresse tant notre président est sans doute bon signe. Toi, auditeur, si tu as un évier bouché, si tu as besoin d'aide pour changer un pneu, n'hésite pas à appeler Nicolas. Il s'occupe de tout. Son mentor, c'est évidemment Julien Courbet. Et toi, bah, tu n'as qu'à courber les chines. Bon, le nouvelops.com nous apprend pourtant qu'il faut faire attention et faut pas fourrer son nez partout. Dimanche dernier, à Mönchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne, un type qui cherchait ses clés dans une benne à ordures s'est retrouvé la tête coincée. Oh non. C'est très compliqué comme situation. Alors, les pompiers, bah, pour le sortir de là, n'ont pas vraiment réussi. Ils l'ont fait rentrer entièrement dans la benne pour ensuite découper le conteneur. d'où il est ressorti avec ses clés, c'est très bien. Mais cette semaine, un autre Allemand s'est retrouvé le nez dans la merde. C'est notre bon pape Benoît XVI. Ah. Oui, l'AFP nous apprend que mercredi dernier, notre papounet n'a pas choisi le meilleur environnement pour faire des déclarations solennelles. Alors, bon, Philippe, vous le savez, hein, Benoît, il a levé l'excommunication des évêques intégristes, dont Richard Williamson, cet évêque britannique. Ah, il est bon, lui. Hein. Il est énorme. Ah, il est très bon. Il avait déclaré donc, il y a quelques semaines que pour lui, seulement 200, 300 000 juifs ont péri dans les camps de concentration et pas un seul dans les chambres à gaz. Hein. C'est magnifique. Faut oser, hein, c'est 6 millions quand même. Alors le JDD donc, nous apprend que cet adorable petit nazillon est plein de remords. Ah bah oui, pépère. Bah, il s'est excusé. Alors attention, il s'est aussi excusé, non, pas de ce qu'il a dit, de la peine qu'il a causée au pape. Il ne retire pas un mot de ses propos. Alors bon, bien sûr, Benoît XVI est un peu embarrassé. Et mercredi dernier donc... Le pape a décidé de faire une mise au point solennelle pour dire que nier la Shoah, c'est mal. Oui. Bon, sauf que Benoît, il a fait ça pendant une audience générale animée par le cirque Medrano. C'était sans doute pas le meilleur moment hein, pour parler de la Shoah entre jongleurs et avec tout. Il y avait des animaux dressés, un lionceau, c'était très beau. Qu'est-ce qu'il foutait là? Il paraît que c'est une tradition qu'il y ait des spectacles, mais... Faire attention un petit peu là, aux déclarations solennelles, faire attention à son environnement. Bon, Benoît XVI ne s'arrête pas sur ces détails, il sait très bien jongler avec les extrêmes. Alors, pour terminer, Philippe, une dernière petite information, elle nous vient du quotidien gratuit Métro, version britannique, du 22 janvier dernier. Subway. Ah, yes, Subway, you speak English. Qui nous rapporte les conclusions d'un rapport de la Royal Society for the Prevention of Accidents, une institution chargée de lutter contre les accidents domestiques. Et la Royal Society nous apprend que l'année dernière, 14 000 accidents ont impliqué des légumes. Le navet est méchant. Alors, je vous passe les classiques comme la glissade sur une peau de banane. Ah oui. Oui, classique. Ou encore l'étouffement avec une noix. On ne le dira jamais assez. Il est très important de bien mâcher avant d'avaler. C'est comme les réformes du gouvernement. Il faut bien marcher pour ne pas s'étouffer avec. En revanche, Philippe, alors là, j'avoue mes limites, je suis désolé parce que je ne dois pas maîtriser assez bien l'anglais, mais il y a un paragraphe que je n'ai pas très bien compris. C'est en rapport avec une série d'accidents autour des concombres. Il y a des subtilités linguistiques qui ont dû m'échapper. Oui. Non, écoutez, je ne vois pas trop comment un concombre peut être dangereux. C'est peut-être juste là l'origine de l'expression « God bless you ». Merci, M. Mauduit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 148e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mange à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mange à Palace est une émission co-écrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Sandrine Laurent et de Philippe Duclos, un duo d'enfer, c'était parfait, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Marie Berthoumieux. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le Ministère Psychique. Et en direct dimanche, toujours à 11h pour les nouvelles aventures du Dimanche un Palace, évidemment. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, bien sûr. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu. C'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.